après que les poètes ont disparu. Hola, soy Andrés, eso es La Chanson, el programa de canción francesa de Radiopolis. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. El 26 de enero pasado, a los 86 años, se nos fue otro de los grandes de la canción francesa y la música en general. Quizás más conocido como compositor de músicas de películas, Michel Legrand compuso un buen número de canciones para los demás y para él mismo. Michel Legrand cantaba y muy bien. Dio prioridad, eso sí, al mundo del cine. A los 34 años ya se había instalado en Hollywood, componiendo más de 200 músicas de películas y consiguiendo 3 Oscars por ello. Es hijo de Raymond Legrand, prestigioso compositor de canciones, también de músicas de película, y jefe de la orquesta Jazz Dixit, y sobrino materno de Jacques Ellion, director del más longevo Big Band francés, que fue el primero, cuando su sobrino tenía 24 años, a tocar rock and roll en Francia. Con semejante herencia, se vuelve a los 20 años director musical de Maurice Chevalier, después de una formación clásica de conservatorio, merecedora de varios primeros premios. Acompañará al gran Maurice a América en su gira. Como no podía ser de otra manera, se enamora del ritmo del jazz. Tocando unos 12 instrumentos, empieza a acompañar a los más grandes jazzmen americanos como Miles Davis o John Coltrane, siendo uno de los primeros europeos en hacerlo. Y eso con solo 26 años. Será el compositor de 7 de los 9 títulos del álbum que consagrará a Claude Nougaro en 1962, el segundo, que se llama Le Cinéma, del que vamos a escuchar ese título. Es la historia de la falta de coraje de un hombre para declararle su amor a su amiga. Dice: en la pantalla de mis noches en vela yo me monté una película. Brigitte Bardot se puede ir de vacaciones, mi estrella eres tú, pero para decirte que te quiero flaqueo. Un primer plano en tus caderas, sonriendo voy hacia ti. Ya estás en mis brazos, repito la secuencia mil veces, pero cuando llamas a mi puerta te digo, ¿cómo estás? ¿Vamos al cine? Escuchemos Le Cinéma, cantado por Claude Nougaro, con música de Michel Legrand, del año 1962. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche, j'ai du cœur mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. La poitrine grand format, voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches, je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras, le lit arrive en avalanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de ma nuit blanche? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma. No se puede disociar a Michel Legrand de la obra del director Jacques Demy, que consiguió la fama en Francia y para siempre con sus películas musicales. Innovó en 1962 creando la primera película íntegramente cantada en el mundo, Les Parapluies de Cherbourg, los paraguas de esta ciudad de Normandía, cuya música compuso íntegramente Michel Legrand. El éxito fue arrollador, tanto de crítica como de público, en Francia como en el extranjero. Recibió la Palma de Oro en Cannes para esta película y lanzó definitivamente con ella a Catherine Deneuve, la protagonista, que no canta en esta película, la dobla Daniel Licari. Hace el papel Catherine Deneuve de Geneviève, una chica de 17 años, enamorada y embarazada de Guy, que llaman a filas a Argelia durante la guerra. Se tiene que ir 2 años. Escucharemos ese momento de la película de la despedida de Guy en la estación de trenes. Ella, pero no podré nunca vivir sin ti, te esconderé, pero mi amor, no me dejes. Él, sabes muy bien que no es posible, que me tengo que ir. Chocan ahí el realismo del chico con el sentimentalismo de la chica. Es una de las primeras películas que habla sin rodeos del drama que supuso la guerra de Argelia en Francia y de las rupturas sentimentales que provocó, como en todas las guerras, por otra parte. Escuchemos Les Parapluies de Cherbourg, El aire de la despedida, cantado por Daniel Licari, en una música de Michel Legrand del año 1964. Qu'à toi, mais je sais que toi. tu m'attendras. Deux ans de notre vie. Ne pleure pas, je t'en supplie. Toi, il nous reste si peu de temps, si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Il faut essayer d'être heureux, il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. Nous nous retrouverons et nous serons. Tu connaîtras d'autres femmes, tu m'oublieras. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Dis je t'aime, ne me quitte pas. A partir de 1964, empujado por sus intérpretes, Michel Legrand grabará sus propios discos, dando libre curso a su fantasía. Como muestra este trombone, guitarra y compañía, en el que da personalidad a 8 instrumentos. El trombone es un señor grave y serio. La guitarra es una chica de bares de whisky. El piano va de fiesta con los negros y duerme con Mozart. El triángulo es un duende. El violín, un solo golpe de arco, se pone a volar. Y el órgano, desde su temprana edad, piensa solo en casarse. Escuchemos trombone, guitarra y compañía, cantado por Michel Legrand en el año 1964. Le trombone est un monsieur, ni jeune ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. La guitare est une fille qui traîne sa drôle de vie dans les boîtes à whisky. Le piano est un gaillard qui bringue avec les noirs et dort avec Mozart. Le triangle est un lutin, mais seuls quelques malins croient qu'il ne sert à rien. Ils sont bien 30 ou 80 qui s'amusent bien tous les soirs. Le banjo est un bon gros caduque au boulot et ça lui donne chaud. Le tuba fait ce qu'il peut, il swing de son mieux mais ça l'essouffle un peu. Le violon est si léger que d'un seul coup d'archet il se met à voler. L'orgue est encore le plus sage, depuis son plus jeune âge, il pense au mariage. Mes amis, pour une belle famille, c'est une belle famille, croyez-moi. Et que Monsieur Gershwin tourne la machine comme Marnet Turbine. les contamine. Le trombone est un monsieur, ni jeune ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. Patop badap, going going go going, patop patop patop patop patop patop patop patop patop patop patop patop patop patop. Bibi di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di. Le trombone et la guitare, la flûte et le piano, le cor et le banjo. Le trombone et la guitare, le sax et la batterie, et toute la compagnie. Todos estos instrumentos lo hace él con su sola voz. El año siguiente se atreve con un dúo que ya forma parte de la historia de la canción, con una jovencísima y poco conocida Nana Mouskouri. Él es ya famoso, pero se nota mucha complicidad entre ellos en el video de Quand on s'aime, cuando se ama, a ritmo de jazz. Podemos andar bajo la lluvia, tomar el té a medianoche, pasar el verano en París cuando se ama. Podemos andar sobre el mar, bailar alrededor de la tierra. Podemos hacerlo todo cuando se ama. Escuchemos Quand on s'aime, interpretado por Michel Legrand y Nana Mouskouri en el año 1965. On peut marcher sous la pluie, prendre le thé à minuit, passer l'été à Paris, quand on sait. On peut se voir à New York, 5 heures du soir, 5 o'clock, ou dans un square de Bangkok, quand on s'aime. On peut marcher sur la mer, danser autour de la terre, se balancer dans les airs. On peut tout faire quand on s'aime, quand on s'aime. Ou dans un square de Bangkok, de Bangkok, quand on s'aime. Ah ah ah, on peut dire de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de quand on s'aime, se balancer, on peut marcher sur mer, danser autour, danser autour de la mer, de la mer, prendre l'été, prendre l'été pour l'hiver, pour l'hiver, quand on s'aime. La collaboration Le Grand Demi siguió con Les Demoiselles de Rochefort, las señoritas de esta ciudad del Atlántico francés. Otro hito en la película musical que sigue presente en Francia y fuera. Otra película de culto. Por ejemplo, la primera escena de La La Land es un homenaje a la primera escena de esta película. La película está protagonizada también por Catherine Deneuve y su hermana Françoise d'Orléac. Françoise d'Orléac murió tristemente en un accidente 3 meses después de esta película. Son dos hermanas que enseñan el baile y la música en esta ciudad de provincias ventañeras. Sueñan con encontrar el gran amor y la fama, pero en París. Surge una caravana de coches de feria dirigida por dos apuestos chicos. Anda por ahí también un soldado de la marina, poeta y pintor, y otros personajes que se van a encontrar, perder y buscar a lo largo de las 2 horas de la película. La fama de la película es tal que en la ciudad de Rochefort rotuló una plaza Françoise d'Orléac y una avenida Jacques Demy. Vamos a escuchar 4 de los 23 temas de la película que seguimos tatarreando 50 años después. El tercero de estos temas se llama La chanson des jumelles, la canción de las gemelas, protagonizado por Deneuve y su hermana en la vida, Françoise d'Orléac, y cantada por Anne Germain y Claude Parent. Somos dos gemelas nacidas bajo el signo de Géminis, las dos señoritas precoces en amantes. Somos alegres e ingenuas, artistas apasionadas, buscando el hombre ideal. Nos aburrimos en provincias, queremos probar suerte en París. Escuchemos la chanson des jumelles, canción de la película Les Demoiselles de Rochefort, cantado por Anne Germain y Claude Parent en 1967. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes données de père inconnu, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Et mon ritournelle, les calembours et les bons mots, mi fa sol la mi ré,

sont de l'or en bataille, que le vent de la mer et le soleil chamaillent. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Il pourrait nous parler de ses yeux, de ses mains. Il pourrait nous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est sa vie, mais à quoi bon rêver? Il l'a cherché partout. Est-elle loin d'ici? Est-elle près de moi? Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ou bien fille de roi? Que m'importe son sang, puisque je suis artiste et que l'amour dicte sa loi. Los dos feriantes se presentan cantando a las gemelas en el bar de su madre, en el tema 6. Viajamos de ciudad en ciudad, la carretera es nuestro domicilio. Un día aquí, un día allá, viajamos de chica en chica, prefiriendo el placer al dolor, las mañanas inciertas, nuestra vida eterna, la tragedia de la existencia y la comedia de la felicidad. Escuchemos el tema de ville en ville, de ciudad en ciudad, de la película Les Demoiselles de Rochefort, en el año 1967. Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux, la route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache, lutins farfelus et potaches, courant de bonheur en bonheur, préférant au pire le meilleur, la bonne humeur à la tristesse, les jolies filles ont les dronesses, et le plaisir à la douleur. Nous voyageons de fille en fille, nous butinons de cœur en cœur, à vivre d'elle dans chaque port, à cœur perdu dans chaque ville. Notre vie c'est le vent du large, l'odeur du pain, le goût du vin, le soleil pâle des matins, le soleil noir des soirs d'orage, le sourire d'une enfant sale, la sieste dans le foin coupé, l'amour fou au milieu des blés. Et le vent frais sur le visage. Nous voyageons de ville en ville, nos lendemains sont incertains. Une blonde dans la main, c'est à nouveau la vie facile. Un jour ici, un jour ailleurs, notre vie comme une romance s'élance sur un air de chance, courant de bonheur en bonheur, préférant la joie au malheur, l'intelligence à la bêtise, à l'hypocrisie, la franchise, aux gendarmes les gens de cœur. Nous voyageons de fête en fête, on nous désigne de la main, on nous appelle les forains, en vérité on est poète. Un jour sérieux, un jour rieur, notre vie joue en alternance la tragédie de l'existence et la comédie du bonheur. Amis à la vie, à la mort, prince sans peur et sans reproche, chevalier sans un sou en poche. Par contre, notre cœur est d'or. Nous voyageons de ville en ville, du Val-de-Loire au bord du Rhin. On nous appelle les forains, la route est notre domicile. We'll be right back. de ville en ville, du Val de Loire au bord du Rhin, on nous appelle les forains, la route est notre domicile. El tema 9 se llama Marin, ami, amant o mari. Marinos, amigos, amante o maridos. Es cantado por los dos feriantes y sus ayudantas que les dejan a ellos el día antes de la función que van a hacer en la ciudad, que les dejan por dos marinos. Ellas, los marinos son más divertidos que todos los feriantes. Ellos, los marinos hacen malos maridos. Ellas, pero los marinos son buenos amantes. Lo tenías todo para seducirme. Si habías tenido los ojos azules, hubiera podido morir de amor por ti. Ellos, ¿quieres que me muera de celos? Volad, viajad lejos. Si nuestros ojos y discursos ya no os estremecen, viajamos de chica en chica, un día aquí, otro día allá. Escuchemos el tema Marin, ami, amant ou mari de la película Les Demoiselles de Rochefort del año 67. Les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis. Les marins font de mauvais maris. Mais les marins font de bons amants. Marin, ami, amant ou mari, les marins sont toujours absents. Le hasard qui fait d'habitude si bien les choses se tromper en semant des roses fanées au cœur de nos deux solitudes. En semant des roses fanées au cœur de nos deux solitudes. Si les roses de notre amour ne fleurissent plus qu'en épines, et si tu préfères l'algue marine, cela ne vaut pas même un discours. Veux-tu pour ça que je t'assassine, ou veux-tu que je meure d'amour? Tu avais tout pour me séduire, le nez, la bouche, le front, les cheveux. Si tu avais eu les yeux bleus, j'aurais pu d'amour pour toi mourir. Si tu avais eu les yeux bleus, j'aurais pu pour toi mourir d'amour. Si mes beaux yeux, chère marquise, ne te font plus mourir d'amour, si un marin t'a fait la cour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Veux-tu que je me scandalise? Veux-tu que je meure de jalousie? Il ne faut pas que tu m'en veuilles, ou je vais me mettre à pleurer. Mon maquillage va couler, et j'ai déjà la larme à l'œil. Mon maquillage va couler, et j'ai déjà la larme à l'œil. Voyager au long cours, puisque ni nos yeux ni nos discours ne vous font plus frémir d'amour. Envolez-vous, mes toutes belles, bon voyage et belles amours. Un jour ailleurs, dans la vie tout nous est

dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau au vent des quatre saisons. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Serge Reggiani fue otro de los artistas agraciado por la genialidad de Michel Legrand, como con este maravilloso tema Rupture, Ruptura. Creo que es mejor amarse un poco menos que nos queríamos los dos. Era maravilloso tu corazón y el mío. Hemos estado locos. Nos volveremos tranquilos. Envejecemos. El tiempo que pasa, el tuyo y el mío, ya no promete otros descubrimientos. Escuchemos Rupture, cantado por Serge Reggiani en el año 1971. Qu'il vaut mieux s'aimer un peu moins qu'on s'aimait nous deux. C'était merveilleux ton cœur et le mien. C'était un grand feu, c'était une flamme jusqu'au fond de l'âme, jusqu'au fond des cieux. C'était un programme très ambitieux. Aujourd'hui le drame pour toi et pour moi, c'est que notre émoi, c'est que ce mélange du diable et de l'ange, de chair et de cœur, de rire, de larmes, c'est que ce bonheur soit monté si haut. On a eu si chaud là-haut, dans l'espace, que le temps qui passe, le tien et le mien, ne nous promet plus à sa table ouverte d'autres découvertes. Nous sommes tout nus. On n'est pas déçus, on n'a pas déchus, nous sommes honnêtes, ni marionnettes, ni comédiens. On sait qu'un mensonge parfois fait du bien, mais celui qui plonge jamais n'en revient. C'est une autre vie, il faut tout revoir. On a été fous, on devient sage, on a pris de l'âge, on s'est beaucoup dit, très peu contredit. Nos rêves plafonnent, le pied au plancher, il se téléphone sans être branché. Il faut être artiste jusqu'au bout des doigts pour sculpter des joies quand la chair est triste. Tant je redoute, donne-moi la main, l'endroit où la route part en deux chemins que nous allons prendre, et chacun le sien, chacun va reprendre, cœurs et musiciens, car nos vies s'arrachent, nos corps se défont, nos cœurs se détachent, notre rêve fond. on n'a plus de prise, on ne triche pas. Sur la neige grise, chacun va son pas. On va décrocher au gré du caprice d'un trop grand bonheur qui s'est amoché, dont la cicatrice plus tard dans nos cœurs marquera la place, car le souvenir va l'entretenir, raviver sa trace avec en secret l'immense regret que cette aventure, ce moment parfait, soit déjà défait et que rien ne dure. Et terminaremos con una magnífica canción. Alcatraz, escrita por Claude Nougaro para Michel Legrand, que le puso música. Esta fotografía encima de la cama es Alcatraz. Esa imagen es mi vida contigo. Prisionero de tus ojos, de tus brazos desnudos, tú me has comprado este pijama con rayas. Salir de allí, Alcatraz, o de ti es de locos. Escuchemos Alcatraz, cantado por Michel Legrand en el año 2005. Cette photographie sur la tapisserie, juste au-dessus du lit, cet Alcatraz, je l'ai épinglé là, car cette image-là, c'est ma vie avec toi, cet Alcatraz. Ce n'est qu'une île, mais sur cette île, ils sont 2000 prisonniers d'Alcatraz. Qu'ils soient bien sages ou fous de rage, ils sont en cage, les prisonniers d'Alcatraz. Et moi je suis comme eux, oui tout pareil à eux, prisonnier de tes yeux, de tes bras nus. Pour ne pas l'oublier, c'est toi qui m'as payé ce pyjama rayé de détenu. Dans les nègres, rois de la pègre, ou voyous maigres, les prisonniers d'Alcatraz, qu'ils dorment, qu'ils mangent, rêvent qu'ils se vengent, des mauvais anges, diables gardiens d'Alcatraz. Et moi aussi, vois-tu, je rêve que je te tue, quitte à payer mon dû à Alcatraz. Je mourrai comme un dur si le bourreau m'assure la photo sur le mur de la chambre à gaz. Des sirènes, des bruits de chaînes, des matins blêmes, loin des gardiens d'Alcatraz. Se faire la paire, c'est ce qu'espèrent jeunes ou grands-pères, les prisonniers d'Alcatraz. Mais s'enfuir de là-bas ou s'évader de toi, c'est aussi fou, je crois, aussi tordu. Là-bas on sort les armes, les sonneries d'alarme, ici tu sors. sauter larmes et s'est foutu.